de Nathaniel Hawthorne, le livre des merveilles, conte pour les enfants, tiré de la mythologie. Partie 1. Traduit de l'anglais par Léonce Rabillon. Table des matières. Préface du traducteur. Préface de l'auteur. La tête de la Gorgone. Le toucher d'or. Le paradis des enfants. Les trois pommes d'or. La cruche miraculeuse. La chimère. Préface du traducteur. Le titre l'indique, ce petit volume n'est qu'une traduction. Il forme la première partie d'un ouvrage publié il y a quelques années par M. Nathaniel Hawthorne, l'un des écrivains les plus distingués des États-Unis. Nous n'entreprendrons point d'esquisser ici le portrait littéraire de l'auteur américain. Les revues les plus accréditées de l'Europe l'ont fait depuis longtemps. Et toutes ont placé Hawthorne au premier rang des romanciers et des penseurs de notre époque. Quelques-unes de ses productions, aussi populaires en Angleterre qu'en Amérique, ont passé par notre langue. Le succès obtenu chez les lecteurs français par La Lettre Rouge et plusieurs autres compositions nous donne l'espoir que Le Livre des Merveilles pourra intéresser le jeune public auquel il est trop modestement dédié. Les sujets sont tous tirés de la mythologie. Mais le conteur a su rajeunir avec un bonheur singulier ces légendes qui, répétées à tant de générations dans une forme invariable, finissaient par ne plus offrir qu'un attrait bien affaibli. Les types consacrés de la fable ont été respectés. Seulement, l'interprétation d'un esprit ingénieux les a doués vraiment d'une vie nouvelle. Sur le fond primitif et simple de la tradition classique, une imagination facile a semé dans un style plein d'élégance mille détails poétiques et charmants. À travers le prisme de cette verve, de cet humour, d'antiques sujets semblent comme trouvés d'hier. Et, ce qui n'est pas d'un moindre prix sans doute, dans ces histoires, le moraliste ne reste pas inférieur à l'artiste. C'est avec défiance que nous nous sommes hasardés à traduire ces récits dont la forme donne tant de grâce à l'œuvre originale. Nous ne nous sommes pas dissimulés le mérite supérieur de nos devanciers. Cependant, hôtes aujourd'hui de la Grande République, nous n'avons pas résisté au désir de faire connaître un des plus jolis livres qui ait jamais été écrit pour l'enfance. Et si un jour notre travail tombe sous les yeux de M. Hawthorne, nous le prions de considérer cet essai simplement comme un hommage rendu à son talent. Léonce Rabillon, Baltimore, 20 septembre 1856.